vendredi 12 mai. Bienvenue à l'émission Les Différents sur les ondes de CKRL. Et puis, Les Différents, on achève la saison. Il en reste trois. On parle de celle d'aujourd'hui et deux autres. Et puis, ça passe vite. J'espère que vous avez aimé la saison. Et puis, j'espère que justement, vous allez être curieux de tous les sujets qui s'en viennent aussi pour les deux autres émissions. Et puis la dernière, qui est le 26 mai, ben justement, on a le concours qui s'en vient, que je vais parler tout à l'heure de la personne qui a été choisie parmi tous les sujets qu'on m'a proposés. Le concours, en fait, ça consiste à quoi? Ben ça consistait à dire un sujet, à proposer un sujet, mais c'était aussi d'avoir la chance, ben peut-être pour vous c'est de la chance, peut-être pas que c'est de la chance, je sais pas, mais en tout cas vous allez venir co-animer avec moi le 26 mai prochain, et puis je vais donner le nom de la personne gagnante un peu plus tard dans l'émission. Mais aujourd'hui on a un autre sujet différent, on parle d'aider différemment. Dans la société aujourd'hui, on voit beaucoup d'articles, on entend parler un peu partout, on entend les gens discuter entre eux. Ce qu'on entend le plus, c'est que les gens sont rendus nombrilistes, c'est que les gens, les jeunes aussi, c'est ce qu'on entend, les préjugés qui viennent avec l'âge, que les gens sont, les jeunes personnes, les jeunes adultes sont plus centrés sur eux-mêmes, sont peut-être moins ouverts à la diversité ou peu importe, ou à aider son prochain. Puis aujourd'hui, on brise les tabous, c'est pas ça. On parle d'autre chose complètement, c'est-à-dire que je vais vous prouver ce matin que même les jeunes veulent aider. Et puis, je reçois deux invités qui aident à leur manière, qui aident différemment la société et puis les gens autour d'eux. Bref, qui font du bien autour d'eux. Et puis, ma première invitée que je reçois pour la première partie de l'émission, elle s'appelle Roxane Champagne-Villeneuve. Et puis elle, de son côté, a décidé de démarrer, c'est tout nouveau là, c'est sa chaîne YouTube Rox et la vie. Et puis dans ses vidéos, il y en a une qui a piqué ma curiosité, et puis dans celle-là, elle se met au défi pour ses 21 ans de faire 21 actions pour aider la société. Mais pour nous en parler, puis j'aimerais ça avant connaître son parcours, on va l'accueillir. Roxane Champagne-Villeneuve, bonjour. Allô. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, merci de m'avoir invité. Ben, pas trop stressée, j'espère. Non, j'avais vraiment hâte. T'avais hâte d'en parler? Ben oui, ta chaîne YouTube est toute nouvelle. Ça fait quoi? Ça fait combien de temps? Je l'ai partie en janvier. En janvier? Oui. Donc, elle est toute nouvelle, mais il y a déjà une vidéo, puis c'est 21 bonnes actions. On va en parler un peu plus tard, comme je disais. Mais j'aimerais ça qu'on commence par te connaître. Dans le fond, je sais que c'est une grosse question, puis que c'est pas nécessairement facile à répondre, même pour moi. Mais qui est-ce que tu es pour que les gens puissent te connaître un peu plus, vu que ta chaîne est toute nouvelle? Oui, c'est sûr que c'est compliqué parce que j'ai juste 21 ans, tu sais, je commence quasiment à vivre, là. Fait que avant ma chaîne YouTube, moi j'allais à l'école, j'allais au cégep, puis j'ai dû lâcher ça parce que c'était vraiment trop difficile à l'école, mais j'ai toujours été une personne forte, puis avec de l'ambition, puis je voulais toujours aider les gens. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas faire mon aide à ma façon. Puis je voulais aussi, comme que t'as dit tantôt, genre briser des préjugés, mm-hmm. démontrer aux gens que, tu sais, il y a beaucoup de jeunes là, qui veulent aider. Puis, mais ça se répète là, de génération en génération, les jeunes ont toujours eu mauvaise presse de la génération ou l'autre d'avant. Tu continues justement à briser un préjugé que c'est pas vrai qu'on est toutes centrées sur nous-mêmes. Là. Mais aussi, dans le fond, j'ai peut-être eu un parcours différent que les autres. Tu sais, il y a beaucoup de gens aussi qui vivent des choses difficiles, mais moi, dès mon enfance, j'ai eu une enfance difficile. Ma grand-mère était là pour moi. Mes sœurs aussi étaient là pour moi, puis j'ai eu beaucoup d'amis qui étaient là derrière moi. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi à me mettre sur les médias. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, j'ai même voulu être animatrice. J'ai même fait des stages à TVA, tu sais, tellement que... Puis je faisais de la radio à mon cégep. Fait que je m'impliquais dans 4-5 comités au cégep. cégep, au secondaire. Donc, ça me manquait, moi, d'être en appartement, puis d'aller juste travailler, puis de revenir chez moi, puis de rien faire. Oui, faire presque le 9 à 5, là, ouais, si c'est on ça. Veut. Là, t'sais, le métro, boulot, dodo. Il me manquait quelque chose de palpitant dans ma vie. Fait que je me suis dit, tu sais, je voulais faire ma chaîne pour le fun. Puis, tu sais, j'attendais pas à avoir du monde qui était derrière moi. Je m'entendais pas du tout à ça. Fait que je suis vraiment contente. Fait. Puis tu dis que t'avais des que tu sais justement que ça a pas été nécessairement plus jeune que ça a pas été facile nécessairement, mais t'as voulu communiquer, t'as voulu prendre ces ce que t'as vécu ces forces là puis de le transmettre aux gens par ta chaîne. Oui, en plein ça, parce que j'ai vraiment eu un parcours difficile, mais j'ai toujours été plus forte puis en sortie de là. Dans quel sens plus forte? À chaque moi je pense moi j'ai toujours eu le principe de dire qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Mm-hmm. Qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, sur le coup, tu trouves ça trop difficile, tu dis pourquoi ça m'arrive à moi. Mais quelques mois plus tard, ou quelques jours plus tard, ou semaines, tu réalises à quel point que ça t'apporte une leçon. Tu as quelque chose à en tirer de ça. Fait que moi, j'ai eu de l'aide. J'ai eu, comme je disais, de la famille, j'ai des amis qui étaient là pour moi. Fait que moi, je voulais donner de mon aide que j'ai reçue aux autres, comme un wake-up call, là, comme que je t'avais dit, là, oui. Que j'ai reçu mes 21 ans. Là, fait que... Le wake-up call du matin. Mais raconte-nous ça, c'est vraiment drôle. Mais cette histoire, c'est drôle. C'est quand même quelque chose, là. Tu te réveilles un matin, 21 ans, puis qu'est-ce qui arrive? Mais c'est spécial parce que peut-être que le monde va dire, voyons, c'est bizarre, là, mais... Écoute, aux différents, là, de un, il n'y a pas de règles, ça je le dis souvent, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de tabou, puis mais bizarre, comme je les appelle affectueusement parce que j'en fais partie, ben on est habitué des entendre nous jaser au micro ici. Ben, avant moi... tu peux y aller, il n'y a comme, rien de bizarre. Comme je te disais, j'étais une fille forte, mais j'étais beaucoup une fille qui était négative. Aussi, j'étais dans... c'est quand même, j'ai de la dépression, je fais énormément d'anxiété dans la vie, puis j'étais pas la même fille que je suis aujourd'hui avant de partir ma chaîne YouTube. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant mes 21 ans, j'aidais quand même, tu sais, j'étais quand même une bonne personne, mais j'étais vraiment beaucoup négative. À mes 21 ans, c'est bizarre, moi je suis née à 7h23 du matin, je me réveille à 7h23, j'ai full d'énergie, genre je voudrais courir un marathon, genre je me dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis là, après ça, je me lève, puis tout d'un coup, genre je me sens comme... renaître au printemps, c'est vraiment la phrase là. Genre, je me sens bien, je me dis, hey, je veux changer de vie, je veux être positive, je veux, peu importe ce qui va m'arriver, je veux comme, je veux, mettons que c'est ma dernière année à vivre, genre même si c'est peut-être pas le cas, genre je sais pas, on sait pas ce qui arrive le lendemain, mais tu sais, je veux pas ouais. Mourir de cette façon là en étant triste, tu sais. Fait que je voulais changer de vie, je voulais aider vraiment les gens, puis tu sais, je voulais redonner ce que j'ai eu. T'as eu une prise de conscience. Exactement. Puis c'est arrivé vraiment là, le matin de tes 21 ans. C'est spécial, hein? C'est le plus beau moment de ma vie, là. C'est là que ça a changé. Puis après ça, t'as décidé... ça, c'est avant ta chaîne. Ta chaîne est arrivée avant tes 21 janvier, ans. Ouais. Fait que t'avais déjà commencé ton processus là, de changer les choses, tout ça. Puis pourquoi la chaîne? Bien, au début, je voulais... Moi, depuis que j'ai genre 15-16 ans, j'écoute plein de YouTubeurs puis YouTubeuses que j'admire. Puis ces gens-là, j'aimerais donc faire comme eux, mais j'avais pas... Avant, je sortais pas de la zone de confort. Moi, les regards des gens, c'était vraiment important. Mm-hmm. La peur du jugement, quoi? Exactement, ouais. Tu sais, j'hésitais de mettre un morceau de linge par peur du record des gens, tu sais, à ce point-là. Ouais. Puis... Est-ce que bien des jeunes vivent aussi, là, au secondaire, par exemple? Il y en a beaucoup, là, qui vivent ça, même au primaire. Puis là, le mois de janvier est arrivé, tu sais, les gens savent qu'on fait toujours une... Tu sais, 1er janvier, on se fait toujours... On fait nos résolutions de début d'année, qu'on tient à peu près 3 semaines. Fait que ma résolution à moi, c'était de sortir de ma zone de confort. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, je veux faire plein de choses. Si je savais pas faire du vélo, c'est banal, là. Je savais pas, mettons, nager, je savais pas... Genre, je voulais comme... J'étais tannée du principe d'avoir de regarder toujours les gens. T'sais, je voulais faire ce que j'aime puis ce que j'admire et tout. Fait que j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, pis c'était vraiment un gros projet. Puis je me suis dit pourquoi pas. T'sais, ça va vraiment me sortir de ma zone de confort. Ah, complètement, ça te met en danger, là. Vraiment. Mais oui. J'aime tellement ça, là. Mais toi qui as peur du jugement, tu décides, ben moi je pars ma chaîne YouTube parce que je veux pas regarder la parade, je veux en faire partie. Ouais. Essayer de se mettre en danger. Comment est-ce qu'on se sent la première fois qu'on fait comme. Qu'on fait notre première vidéo, mais aussi, parce que ça doit prendre quand même assez de temps à faire la première vidéo. Moi, des fois, je fais des lives, puis des fois, ça autant je peux avoir une certaine facilité à communiquer, autant que le live, ça me stresse, la caméra, je me revois le visage, là, tu sais, je suis là, non, je suis pas à l'aise, puis ça s'entend, puis ça se voit, là, c'est sûr, mais comment est-ce qu'on se sent quand, justement, on a peur du jugement tout le temps, puis comment ça s'est passé pour toi? C'est sûr que c'est difficile, mais depuis que je suis toute petite, ma mère va vous le dire, là, genre, l'appareil photo puis la caméra, c'était comme... Je me sens bien dans ça, tu sais, la radio, okay. L'animation, genre je trippe, là, je voulais faire ça de ma vie. Fait que j'aime vraiment ça. Fait que le fait que d'aimer d'abord ça, ça t'aide vraiment à être moins stressée. Mm-hmm. Donc le stress c'était quand même là, mais c'était un bon stress. Puis aussi, j'étais genre là, s'il y a du monde qui m'aime pas ou que, tu sais, ça arrive sur Internet, là, mais... Oui, ça, c'est... On en entend parler encore cette semaine. Oui, c'est les filles qui sont justement... tu me fais penser à ça. Les filles qui sont... peut-être un peu plus jugé que les gars, là. Fait ouais, que, c'est ça. C'est un gros pas, là, que tu faisais. Mais j'ai lancé ma première vidéo, puis j'ai eu 500 vues, puis j'ai des amis, ma mère, mes soeurs qui étaient là pour moi, puis ça m'a tellement aidé à continuer. Genre, moi, je trippais, là. Mais ça donne de la force, ben ça, oui. Oui, vraiment, là. Fait que c'est pour ça que j'ai continué, puis ça m'a aidé à continuer, justement. Mais ce qu'on va faire, on va aller en musique, puis j'aimerais ça qu'on parle, c'est sûr, au retour, de ton projet, oui, de 21 actions, oui, pour la société. Puis ça, vous allez voir, c'est bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien inspirant. Merci. Et Roxane Champagne-Villeneuve, du blog, ben du vlog, en fait, la chaîne YouTube, Rox et la vie. Puis si vous la cherchez sur YouTube, c'est en un seul mot, Rox et la vie. Et puis, on parlait, avant la pause musicale, de ton projet. 21 actions pour la communauté, pour la société. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? D'où t'es venue cette idée-là? Oui, bien sûr. Dans le fond, au début, quand j'ai parti ma chaîne YouTube, comme je disais, pas que je voulais copier un peu tout le monde ce que ça faisait, mais tu sais, mettons, je vais faire des vidéos sur le maquillage, sur la bouffe, sur ma vie. C'est pour ça que ma chaîne, elle s'est appelée Rox et la vie, parce que j'aime vraiment tout de la vie. Fait que là, après ça, je me suis dit, ouais, mais c'est plate, tu sais, de... Tu sais, je voulais comme que le monde me regarde plus d'une façon... comment je pourrais dire, genre sortir de tous ceux qui sont pareils, dans le fond. Mm-hmm. Oui, ben d'être différent, ouais, sortir ça. De la masse. Oui, je me suis dit, de quelle manière? Fait que j'ai pris comme 1 ou 2 mois de pause sur YouTube, puis je me suis dit, il faut que je trouve un projet. Fait qu'au début, je me suis dit, 21 choses à savoir sur moi. C'est pas évident à trouver, là. Juste ça, non, là, non, trouver non. Qu'est-ce qu'on veut faire comme projet, là. Aucunement. C'est vrai. Comment ça a été, toi, de trouver ça? Mais c'est ça, dans le fond, quand j'ai commencé, je voulais dire 21 choses à savoir sur moi. Mais ma première vidéo sur YouTube, c'était 45 choses à savoir sur moi. Ça aurait été vraiment redondant. C'est quand même pas mal aussi, 45. Ouais, j'ai eu beaucoup de questions de mes amis, c'était vraiment le fun. Fait que je me suis dit que le monde allait quand même me connaître au tout début d'une chaîne. Fait que tout ça pour dire que je voulais pas me rebondir la même chose. Fait que je me suis dit, hey, 21 actions pour ma société et pour moi-même. Pourquoi pas? Pour changer ma vie. T'sais, c'est ça que je veux faire de toute façon. Mm-hmm. Changer ma vie de la bonne façon. Fait que c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Puis 21 actions, ça comprend quoi à peu près de ce que tu veux? Si tu peux nous en parler, parce que t'as quand même une petite idée. Premièrement, sur ta chaîne, ça va être à partir du 28 mai prochain qu'on va pouvoir voir tes actions, tes vidéos, ben, par rapport à ce projet-là. À ce projet-là. Et puis, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu déjà, nous dire, tu dois avoir une idée? Si... Oh oui, j'ai même toute ma liste d'écrits encore, là. Toute ma liste est écrite. Fait que j'ai commencé hier à filmer, j'étais allée dans le Vieux-Québec, puis avec un de mes amis, puis j'étais allée, grâce à la collaboration de mon emploi de Tim Horton, j'étais allée aussi dans le Vieux-Québec, Saint-Roch, pour nourrir des itinérants. Mmh. Puis c'était une de mes... tâches, pas une de mes tâches, mais une de mes de mon projet. Un de tes défis. Ouais, un des défis de ma liste de projets. Puis c'est pour ça que j'étais... Il y a déjà une de fait. C'est pas juste du blabla que je veux dire aux gens, oh, je vais faire 21 actions, puis finalement, je le fais pas. Non, c'est vraiment concret, mon affaire. Non, t'as vraiment signé un contrat avec toi-même. Oui, c'est en plein ça. C'est mon contrat à moi-même. C'est exactement le mot que je cherchais. Fait que c'est pour ça. Puis j'ai plusieurs choses aussi que je voulais faire. Exemple, je vais faire un ménage de mes vêtements, puis mes vêtements, je vais aller porter à des femmes qui sont battues dans le besoin. Tu vas aller dans les maisons pour femmes en difficulté, ouais, aussi, femmes qui vivent la violence conjugale. Ouais, en plein ça. Une autre, ça va être, je vais faire une vidéo, tu sais, ça peut être pour aider la société, mais pour m'aider moi-même. Mettons, je vais vous filmer, m'inscrire au gym, mais je vais parler de l'anorexie, de la boulimie, de la santé mentale, de la santé, ben oui, tu sais, du sujet de la santé. Ben ça, justement, le sujet de la santé, quand toi, dans le fond, ce qui te touche dans ça, c'est que c'est vraiment de quoi que tu vois là, autour de toi. Oui, puis non. Dans le fond, ma vidéo va commencer aussi parce que au début, je vais parler de moi-même. Toutes les choses que je veux faire, c'est parce que c'est des choses que j'ai vécues. Ah, OK. L'itinérance, j'ai pas vécu ça, mais j'habite toute seule en appartement, puis des fois, j'ai vraiment la misère, puis j'ai pas peur de dire que je vais chercher de l'aide des fois. Fait que, tu sais, je veux... Tu vas chercher de l'aide, c'est-à-dire pour la nourriture ouais, aussi? Oui, exemple, c'est okay. ça. Admettons, tu sais, c'est toutes des choses qui me touchent. Mettons, je vais faire une cause pour le cancer du sein, parce que ma maman qui a été atteinte de ça. Tu sais, je veux tout, dans ma vie, mettons, le suicide, tu sais, je veux tout parler des vidéos que j'ai été touchée de tout ça. Puis, après ça, je vais montrer mon geste. Puis, à la fin, je vais apporter des statistiques. Je veux faire vraiment réagir les gens. Je veux les apporter aussi dans ce contexte-là, puis les faire réagir. À un autre moment donné, ça va être l'environnement, parce que je sais à quel point que l'environnement aujourd'hui est important d'être protégé. Tellement, oui. Tellement, oui. On voit. Puis, là, t'as commencé. Là, OK, là, tu viens de parler un petit peu, parce que je veux pas que t'es dévoiles tout au non, complet. Non, non, il y a le 21, là, ça va être trop long. Mais là, t'as commencé hier, t'es allé dans le coin de l'Aube-Rivière, oui. entre autres. Comment ça s'est passé? Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée pour ta première action que tu mettais vraiment là, sur pied, puis que c'était concret. Moi, je pensais que ça aurait été des projets quand même faciles, mais pas exigeants à ce point-là. Mais quand je suis arrivée chez nous, j'étais fatiguée, brûlée. Là. Je savais pas mon sens à quel point ça pouvait prendre de l'énergie. Là, je viens de réaliser, mais je vais continuer pareil. Ça prend beaucoup d'énergie, mais j'étais tellement heureuse. Là, ça avait pas de bon sens. J'ai fait 12 petits sacs. J'ai mis genre un beigne avec un petit jus, une barre tendre, des biscuits. Puis j'étais allée me promener pendant 11h à 5h le soir, partout. Puis j'ai voulu chercher des itinérants. Le premier itinérant que j'ai trouvé, il était assis, il comptait ses 25 sous dans sa main. Puis le contact que j'avais avec cette personne-là, ça... Comment ça s'est passé, la première approche que tu as eue justement avec cette personne-là, qui était ta première de la journée? J'étais vraiment stressée. Ah genre, oui? Là, je savais pas quoi dire. Là. Moi, j'étais dans ma tête, j'étais genre, est-ce que vous avez faim? Je savais pas quoi lui dire, là, je voulais pas non plus... Tu voulais... Ça se peut-tu, t'as peur de l'insulter ouais, aussi? Oui, exactement. Fait que je voulais pas faire ça, je voulais juste aider. Mais c'est le fun parce que j'ai pas eu... Il y a même des gens qui m'ont vu dans la rue puis ils m'ont encouragé. Ils font, c'est vraiment un beau geste, continue. Fait que ça m'a vraiment aidé. Ça a été moins stressé, ouais. Ah ouais. Puis en plus, il y avait des gens qui ramassaient l'argent pour les itinérants. Je l'ai su comme après, c'était la semaine des itinérances. Puis je faisais ça cette semaine-là. Puis j'étais genre, ben voyons donc, c'est une drôle de coïncidence. C'est une drôle de coïncidence, oui. Fait que j'allais nourrir cet itinérant-là. Puis le sourire, puis le merci qu'il m'a donné, là, ça valut le coup de ma journée. Puis, mais par contre, ce que j'ai réalisé, c'est qu'à Québec, il y a moins d'itinérance qu'à Montréal. On les voit moins. Vraiment beaucoup parce moins. Parce que, ben, je te dirais, on en a rencontré, pas des itinérants, mais j'ai rencontré il y a quelques semaines le RAIC et puis Projet Lune, qui aide les femmes itinérantes, entre autres. Et puis, ils parlaient de l'itinérance, puis moi aussi, je pensais qu'il y en avait. C'est sûr qu'il y en a peut-être un peu moins qu'à Montréal, mais on les voit moins. C'est ça qui arrive. C'est vraiment, on dirait que c'est plus caché. Je sais pas si tu as remarqué ça sur le terrain, parce que tu les as trouvés à un moment donné. À un moment donné, je les ai trouvés, parce que j'étais allée, je me suis dit, voyons, je les trouve pas. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais aller à l'Aube-Rivière, aller porter. Puis, à l'Aube-Rivière, ça c'est vraiment, t'es dans le centre-ville, dans ce coin-là. Cal-Saint-Roch, je pense. Oh boy, non. Tu demandes à une fille de Montréal. Okay. On va continuer le sujet. Je peux pas nous en je vais te laisser continuer. Je suis encore mêlée d'un quartier. Fait que je suis allée porter ça à l'Aube-Rivière, une douzaine de sacs, puis ils jouaient tout aux cartes. Il n'y avait pas de nourriture. J'étais genre là, hey, j'arrive donc bien au moment. Puis il y avait tellement de merci. Puis ça, j'étais vraiment, vraiment contente de mon geste. Puis as-tu pu jaser avec eux autres? Non, ça t'a pas... Parce que... Ils étaient vraiment gênés. Genre, ils voulaient pas plus parler. Ils étaient genre là, OK, merci, bonne journée. Non, ben c'est ça. Ils devaient avoir une certaine gêne aussi. Mm. Au travers ça, est-ce que tu penses que tu vas le refaire? Malgré le fait que, oui, OK, il est coché sur ta liste, aider, aller donner de la nourriture aux personnes qui sont dans la rue, par exemple. C'est coché sur ta liste, mais est-ce que tu penses que tu vas le refaire à un moment donné? Est-ce que c'est de quoi que tu fais comme, ben là, je peux pas juste cocher sur ma liste, puis c'est fini, là? Mais ça, je sais pas encore, parce que quand même, tu sais, 21 actions, moi, je sors une vidéo à tous les dimanches, une fois par semaine, ça va me rendre jusqu'au mois de novembre. Fait que juste déjà là, puis après ça, j'ai d'autres projets qu'il y a pas sur ma liste, tu sais, de déjà entamer. Mais ça se peut que ça revienne aussi. Ça se peut que ça revienne, parce que, tu sais, moi, je tripe de donner de l'aide. Fait que, tu sais, ça dépend, tu sais, je veux pas non plus dire oui, parce que, mettons que ça se produit pas, ou ben non, dire non, puis si ça se produit, tu sais. Mm-hmm. Fait que, déjà là, que je vais aider 21 organismes différents, fait que... Puis... Ta prochaine action, c'est quand? Est-ce que tu es primée pour continuer? Ben, je me suis mis un agenda, puis j'ai écrit toutes les fois comment je veux la faire. Mais je sais que mon projet commence le 28 mai, dans 2 semaines. Puis je vais sortir ma vidéo d'itinérance. Puis sinon, je sais pas encore. Là, mais, tu sais pas encore non. Sur ta liste laquelle que tu vas faire? Non, mais par contre, j'en sais juste une. Au mois d'août, j'ai décidé d'organiser un grand événement. Puis il y a même des gens qui vont embarquer avec moi. J'ai des gens aussi qui font de la musique dans mon entourage. Je veux ramasser, puis je vais aller chercher des commandites. Je veux faire un grand événement parce que moi, mes cheveux, je les aime. Puis je veux pas les couper. Mais je veux faire un grand événement pour ramasser l'argent et le donner à Lucan. OK. Fait que c'est pour ça, dans le fond. Donc, tu veux faire... Est-ce que tu cherches des gens qui veulent le vivre, ça, par exemple? C'est sûr que j'ai besoin de bénévolat, là. Oui, mais c'est ça. S'il y en a qui veulent amasser de l'argent, puis t'aider dans tout ça. Ah oui, ça serait vraiment le fun. Roxane, on termine l'entrevue déjà, ça a passé vite. Oui, hein? Vraiment. Si on veut te suivre, c'est la chaîne YouTube Rox et la vie, en un seul mot. Et puis, on traverse ça. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux aussi, que YouTube? J'ai Facebook, j'ai Snapchat, j'ai Instagram, j'ai plusieurs réseaux sociaux. OK, il y a plein de moyens là, de te suivre. Quand on clique sur mes vidéos, je les écris toujours dans la description en bas. OK. Puis, en même temps, moi, je vais en profiter pour pouvoir aussi mettre les liens de ta chaîne. Je vais mettre le lien de ta chaîne YouTube sur le Facebook, les différents. Puis, Roxane Champagne-Villeneuve, merci beaucoup. Et merci à toi. Ben merci d'être passée parce que tu viens de briser un peu plus un tabou qui est ou un préjugé ou les deux, qui est que les jeunes justement sont un peu plus nombrilistes puis tout ça. Je pense que tu viens de donner un bel exemple que ben il y a de l'humain, il y a de la relève, puis ça c'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir que à 21 ans, tu décides regarde, moi je m'en vais aider. Puis je vais descendre dans la rue, puis t'as déjà commencé. Ouais. Puis écoute, on va te suivre. Les différents vont te suivre. C'est sûr et certain, on va repartager des vidéos sur notre page. Et puis moi, au retour de la pause, on va parler de câlins. Je sais pas si vous avez déjà vu ce grand gars-là. Il se promène à Montréal, mais quoi qu'il est venu faire un tour à l'Assemblée nationale. C'est Olivier Blais qui, lui, c'est Monsieur Câlin, en fait. Et puis, on va lui parler au retour de la pause. Il va être avec nous. Et puis, on va parler des bienfaits des câlins. Mais comment il a fait, lui, pour dire, ben moi, je distribue des câlins gratuits sur la rue, puis je donne ça à tout le monde. On est de retour à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10h. Il reste une belle demi-heure à ça. À l'émission de ce matin, où est-ce qu'on parle d'aider différemment? Il y a de toutes les façons qu'on peut aider. Il y en a des plus particulières, en fait. Je vous dirais que tout le monde sait ce que c'est qu'un câlin. Et tout le monde, ou presque, se fait des câlins. Je vous le souhaite de recevoir ou d'en donner des câlins. On pourrait même appeler ça de la câlinothérapie. Ça, c'est pour le terme plus scientifique. Mais en fait, ça peut être un remède contre le stress. Ça limite les risques de maladies cardiaques. Ça stimule les hormones du bien-être. Ça crée des anticorps. Mais la personne la plus qualifiée que moi, pour parler de ce que ça fait que le câlin, c'est Olivier Blais qui est à l'origine de la brigade du bonheur, de l'amour et de la paix. Bonjour Olivier! Bonjour Mélanie, merci beaucoup de m'interviewer ce matin. Je suis super content d'être là avec vous tout le monde et de parler ce matin. Ben merci à toi de prendre ce temps-là pour nous parler de ce que tu fais, parce que c'est ça, tout le monde sait ce que c'est un câlin, mais toi, ça t'est parti un 1er janvier. On parlait avant la pause avec mon autre invité que au mois de janvier, les résolutions, mais vous les tenez à ce que je vois, les résolutions, vous deux. Toi, le 1er janvier 2013, tu décides, tu as un flash, tu as une idée, je veux donner des câlins, je veux faire un monde meilleur, c'est ça? Ouais, en fait, c'est plus qu'une résolution, là, je te dirais, Mélanie. Oui, parce que tu l'as tenu. C'est ma mission de vie. Tu sais, en tant que tel, je crois que on a toutes une mission sur Terre, on a tout un chemin à accomplir. Puis du moment que tu réussis à trouver un peu, c'est quoi, qu'est-ce que tu as à faire de ta pose sur la Terre, À partir de ce moment-là, c'est la meilleure façon d'être heureux et rendre les gens heureux autour de toi. Fait que moi, dans le fond, je te dirais que pendant 2 ans, là, avant le 1er janvier 2013, là, ça a pris un bon 2 ans là, à me demander là, souvent, là, au moins une fois par jour, qu'est-ce que j'avais à faire de ma peau. Puis à chaque fois que la réponse revenait, la première réponse dans ma tête, c'était « Olivier, tu dois aider à créer la paix, le bonheur et l'amour sur la terre. » Okay. Comme plus je me posais la question, plus cette réponse-là revenait forte. Puis je savais que c'est ça que je devais faire. Là. J'en avais quasiment des frissons là, à penser à tout ce que je pouvais faire pour créer un meilleur monde. Donc, en fait, après 2 ans de réflexion, j'ai eu l'idée de la Brigade du bonheur, de l'amour et de la paix. Puis je crois que du moment que tu sais qu'est-ce que tu as à faire dans la vie, il reste juste une chose à faire, puis c'est d'oser sa vie. C'est difficile de prendre les rênes de sa vie en main, puis de pas avoir peur de qu'est-ce qu'on a à faire et de le faire. Puis à partir de ce moment-là, là, depuis plus de 4 ans là, déjà, là, écoute, j'ai rencontré des gens d'exception incroyables. Il y a un mot qui s'appelle la synchronicité. Ouais. On dirait que plus tu es dans ta mission de vie, plus la vie synchronise toutes les bonnes choses au bon moment pour te faire avancer puis te faire avancer ta réalité autour de toi. Écoute, comme tu as dit, c'est beaucoup plus qu'une résolution. C'est vraiment ma mission de vie que j'ai trouvée et j'ai décidé de commencer cette journée-là. Mais là, comment on arrive au câlin? Comment le flash t'arrive de dire, ben écoute, c'est voici ma mission. Moi, je veux la paix, le bonheur, l'amour. Puis comment t'en es arrivé à dire, ben moi, ça va être des câlins gratuits que je vais donner dans la rue? OK. Ben en fait, au départ, la Brigade du bonheur, de l'amour et de la paix, c'était en fait un regroupement de citoyens qui veulent changer les choses par le positif. Mm-hmm. Donc, au départ, on est allé passer du temps avec des personnes âgées dans les maisons de personnes âgées. Et ça n'a pas tout de suite commencé avec le câlin. Okay. Je dirais que si ça a commencé le 1er janvier 2013, c'est plus autour du début de l'été que les câlins ont commencé. Okay. En fait, c'est que je me suis dit, bon, qu'est-ce qui manque sur notre planète? Puis la réponse qui me revenait le plus, c'est l'amour. L'amour inconditionnel. Tellement. Pour moi, actuellement, là, c'est triste à dire, mais on vit dans une société qui est plus, je vous dirais, basée dans la peur que dans l'amour. T'sais, on nous envoie souvent dans nos médias traditionnels des images de peur. Mm-hmm. Pour qu'à chaque semaine, il y ait la bonne nouvelle GM. Moi, je trouve ça ridicule. Il devrait avoir la mauvaise nouvelle GM, puis tout le reste des nouvelles, c'est des bonnes nouvelles, tu sais. Mais ouais, bon, on nous vrai. Envoie des images de peur. La violence est présente beaucoup dans nos émissions de télévision, dans les articles. Tu sais, je vous dirais que tout ça nous garde dans un climat de peur au lieu d'amour. Puis, quelle est une façon quand même assez simple d'envoyer des images de bonheur et de paix? Ben, se promener avec des chandails câlins gratuits, ouvrir les bras puis offrir des câlins aux gens, même mm-hmm. s'il n'y a pas de câlins de fête, on envoie des images positives. Puis d'une façon ou d'une autre, ça a un impact sur nous et autour de nous, juste d'être là dans un mood plus positif que négatif. Ben oui, c'est sûr. Puis ça doit surprendre. Comment est-ce que les gens, en général, ça doit bien réagir, mais tu dois en avoir des réactions pas mal différentes, là, il y en a qui peuvent te freiner, là. Écoute, Mélanie, je te dirais, là, puis je te donne le défi un jour de nous accompagner peut-être à Québec, faire des câlins dans la rue avec nous, là, peut-être 2 heures, là. Je te donne vraiment le défi de le faire. Tu vas voir comment c'est incroyable ce qu'on apprend sur nous et sur la société. Mais faire des câlins comme ça dans la rue, c'est une expérience sociale. On voit de tous les genres. Oui. Autant qu'il y a des gens qui nous regardent, qui nous disent « Oui, j'en ai vraiment besoin », qui partent à courir et qui nous sautent dans les bras. autant que c'est des gens qui vont commencer par être méfiants et comprennent pas trop. Là, quand ils comprennent que c'est pour un câlin, ils passent par toute la gamme des émotions. T'sais, au début, c'est un peu de confusion, un peu de méfiance, la surprise. Un peu de mépris, un peu de surprise après ça. Là, ça tombe un peu plus neutre. Là, ils voient qu'on est là pour des bonnes raisons. Là, ben, t'as le sourire qui embarque. T'as comme un peu plus de bonheur, un peu plus de joie. Puis là, ça finit par un sourire, un câlin, un rire. Fait que, tu sais, vraiment, là, c'est de tous les genres. Puis, mettons, là, que, tu sais, ça dépend des endroits, là, tu sais, ça arrive qu'on se fait inviter dans des festivals ou des maisons de personnes âgées ou. Ah, oui. Quand les gens sont en mode festival, je te dirais qu'ils sont plus dans un mood pour se voir des câlins. Oui. On a déjà fait des relais pour la vie aussi. Puis, dans ces endroits-là, je vous dirais que c'est à peu près 95 à 100 de réponses positives aux câlins. Mais j'ai vu que t'en faisais. Ils appellent toutes des câlins, là. Ouais, mais j'ai vu aussi que t'en faisais dans le métro à Montréal. Exactement. Quand les gens sont pressés, qui ont affaire à aller travailler, tout ça, qui sont dans leur bulle, toi, tu pètes un peu leur bulle, là, pour donner de l'amour, puis un câlin. Exactement. Pendant un an et demi de temps, ma journée commençait à 5h30 le matin, j'embarquais dans l'autobus. J'arrivais au métro Longueuil, c'est à chaque mercredi, j'arrivais au métro Longueuil à 6h30, je faisais 2 heures de câlin, de 6h30 à 8h30 au métro Longueuil. Par la suite, j'allais à l'université, j'accueillais les étudiants à l'UQAM, comme les 30 minutes que j'avais. J'avais 6 heures d'université, je faisais une autre activité de câlin après mes 6 heures d'université. Mais comme le matin, chaque 2 heures le matin au métro Longueuil, je vous dirais qu'en 2 heures, à cet endroit-là, il y a à peu près 10 000 personnes qui me croisaient. Puis, je sais que tu regardais un peu la page de la brigade. Ben oui. Vous, les radio-auditeurs, vous le savez pas. Mais lorsque je vais faire des câlins, j'ai un costume de léopard, style un peu toutou, avec un chandail câlin gratuit vert flash. Oui. Câlin gratuit, en gros. Donc, je te dirais que juste d'être là, au métro, à ouvrir les bras, dans ce flot constant-là de gens qui passent, je devais faire sourire à peu près la moitié des gens. Donc, juste là, de faire sourire 5000 personnes le matin, juste parce que je suis là, posté en léopard à faire des câlins, bam, là, j'avais déjà rempli ma mission. Ben, en tant que... J'ai mis, justement, pour les auditeurs qui suivent aussi la page Les Différents, je t'ai mis en photo en train de faire un gros câlin sur ma page hier. Et puis, ça donne l'impression, le grand gars avec le saut de léopard à motif de petit cœur, qui donne des câlins, qui s'approche. C'est sûr et certain que ça c'est pas menaçant, là. On te voit arriver, on doit partir à rire juste en te voyant arriver, le grand gars en léopard toutou. Ben, ça, c'est le but du costume. Quand est-ce que tu l'as mis? La première fois que tu l'as mis, c'est quand? C'est vrai que la première fois que je l'ai mis, c'est lors de mon premier été en 2013. un de mes amis à Saint-Hyacinthe, dans ce temps-là, j'habitais à Saint-Hyacinthe, qui est arrivé dans mon appartement avec ce costume-là. Il me l'a mis sur les genoux puis il m'a dit: ça, c'est ton costume. J'ai fait: ah, OK. Comment ça? Là, il me dit: ah, mais ça serait drôle que tu fasses des câlins avec ça. T'sais, au début, j'étais réticent, j'étais pas trop sûr. Puis là, ben, la première journée, en fait, où j'ai enfilé le costume avec un chandail câlin, j'étais allé me poster coin Berry-Sainte-Catherine à Montréal. Je te dirais, c'est un des endroits les plus chauds du centre-ville. Oh, oui, c'est... J'avais autour de moi, j'avais des junkies, j'avais des dealers, j'avais des prostituées, j'avais tous les genres. Là. Puis moi, j'étais là en léopard à offrir des câlins. Là, tu sais. Je veux dire, ça sortait complètement de l'ordinaire. Oui. Je t'avoue qu'au début, là, quand j'ai commencé à faire ça... Mais t'étais pas loin de l'université. T'étais quand même pas loin. C'est juste à côté. Mais tu sais, je me suis dit, tu sais, dans quoi je me suis embarqué, là? Puis ça l'a même pas pris 3 minutes, là. J'ai une femme qui est sortie du métro. Elle m'a regardé. Elle m'a dit: ah, oui, j'en ai vraiment besoin. Elle m'a sauté dans les bras. On a fait un câlin en à peu près 1 minute de temps. Le câlin s'est terminé. Elle m'a remercié. Elle avait une petite larme à l'œil. Puis, comme tout de suite, tu sais, j'ai comme eu ma voix de mon intuition qui m'a dit, genre, waouh! C'est ça, tu l'as trouvé, ta mission de vie, tu n'as plus besoin de chercher, et voilà. Puis ça, c'était le début d'une tellement merveilleuse aventure. Mais avec ta brigade, justement, on te voit partout, il y a des événements qui vont un peu partout, puis t'en fais encore régulièrement. T'as-tu des accros qui savent, puis qui te suivent, puis qui disent: ah, oh, il y a un câlin qui se donne là, moi je vais y aller? T'es-tu rendu avec une clientèle une clientèle régulière que tu reconnais, puis... Ben, quand j'en faisais au métro Longueuil, vu que j'étais là à chaque mercredi matin Oui, j'avais des habitués. Okay. Oui, j'avais des gens qui venaient chercher leur câlin à chaque semaine. Puis peut-être que j'étais leur seul câlin dans leur semaine. Ouais. On vit dans une société où c'est triste. Un jour, j'étais dans une maison de personnes âgées. Il y a une madame que j'ai pris dans mes bras d'à peu près 80 ans. Après le câlin, elle m'a dit merci. Ça faisait 40 ans que personne ne m'avait pris dans ses bras. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un gros manque au niveau de l'amour inconditionnel puis au niveau des câlins. Puis qu'il n'y a rien là de donner un câlin. Mais c'est triste, Mélanie. Au primaire, on ne nous apprend pas à devenir des humains. On ne nous apprend pas le contact interpersonnel, les relations interpersonnelles, l'amour inconditionnel, la gestion des émotions. On nous apprend à compter et à écrire. Puis je dis pas que c'est une mauvaise chose de nous apprendre ces choses-là, mais on devrait nous apprendre aussi des qualités pour devenir humains tôt dans notre jeunesse. Ça éviterait beaucoup d'intimidation. Ça éviterait beaucoup de jeunes qui ont des questions au niveau du suicide. Les jeunes auraient plus d'estime d'eux juste parce qu'ils se sentiraient plus aptes à bien gérer leurs émotions. On n'est pas des machines à qui servent à accomplir. On est des êtres d'amour qui servent à vivre d'émotions, tu sais. Ben oui. Fait que c'est ça. Mais tu sais, des accros qui viennent à chaque fois, à chaque activité de câlin, chercher leur câlin. Non, il n'y en a pas. J'ai des gens qui sont câlineurs avec nous. Qui, dans le fond, adorent faire des câlins, puis qui sont super présents, puis qui sont super là et disponibles. C'est peut-être eux autres qui sont plus accros qui vont donner des câlins. Hein? C'est peut-être plus eux autres, les accros des câlins, à en donner. Donc, ben, c'est peut-être plus de ta brigade. On tombe vite accro à ça. Oui, hein? Au fond, nous, chaque humain, le don de soi est important. Lorsqu'on commence à le réveiller, ben, plus on le réveille, plus il y a le goût de s'exprimer, le don de soi à l'intérieur de nous. C'est incroyable le bien qu'on peut faire juste avec là, offrir des câlins. T'sais, faut pas sous-estimer le simple pouvoir d'un câlin. Ça peut être magique des fois à certains moments. Justement, tu parles de magie. On va aller en pause musicale et puis j'aimerais ça que tu me parles au retour du Olivier avant la brigade et maintenant. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Ça va? Parfait, ben oui. On revient tout de suite. On vient d'entendre Alex Nevsky avec La beauté, et puis je trouvais que ça allait avec les câlins et d'Olivier Blais. Olivier, ouais. Je voulais savoir, ouais. Monsieur Câlin, t'es presque un Monsieur Câlin, mais t'es un distributeur, toi et ta brigade, de paix, d'amour et de câlins et de bonheur. Qu'est-ce que ça a changé chez toi, ou ce que t'as vu aussi, mais surtout chez toi, j'aimerais savoir ce que ça a changé l'avant brigade et maintenant. Qu'est-ce que Olivier Blais est devenu, en fait? Écoute, j'ai toujours... Le don de soi a toujours été important pour moi. Très jeune, j'ai commencé à m'impliquer, à faire du bénévolat. Dans le programme, dans l'étude où j'étudiais, je devais en faire. Donc, très jeune, j'ai fait du bénévolat. Aller nourrir des personnes âgées dans les maisons de personnes âgées. J'ai fait partie aussi des optimistes jeunesse. Le Club Octogone, c'est comme les optimistes jeunesse. OK. Donc, très jeune, j'ai fait ça. Puis, mais je vous dirais que qu'est-ce qui a vraiment changé en moi, c'est que je suis de plus en plus heureux. C'est que avant, je savais pas c'était quoi mon but sur la Terre. T'sais. Puis au moment où tu trouves ton but puis tu commences à l'accomplir, t'sais, c'est comme si pour moi, Mélanie, l'univers, c'est comme un gros casse-tête. Puis on est toutes... chaque personne qui m'écoute là actuellement, toi, moi, mes parents, peu importe, on est toutes une pièce du casse-tête. Puis du moment que tu te poses les deux grosses questions, donc la première, c'est qui je suis? Quand tu réussis à répondre quand même assez bien à la question qui je suis, ben en fait, c'est comme quelle pièce de casse-tête je suis dans l'univers. Puis une fois que tu as trouvé quelle pièce de casse-tête tu es dans l'univers, il te reste la deuxième question qui est qu'est-ce que j'ai à faire dans ce casse-tête-là? Où je dois mettre ma pièce dans le casse-tête de l'univers. Du moment que tu décides de mettre ta pièce à la bonne endroit, c'est la meilleure façon d'être heureux pour soi dans sa réalité, mais aussi de rendre la réalité des autres heureux autour de toi. Fait que c'est sûr que avant la brigade, j'investissais pas mal moins de temps à la paix, le bonheur et l'amour sur la Terre. j'étudiais à l'ITA de Saint-Hyacinthe en horticulture. J'avais des emplois comme serveur, comme j'ai fait beaucoup de télémarketing aussi. Okay. Puis en fait, on n'est pas dans le même domaine là. Non, vraiment pas. Puis au niveau du télé, pour être heureux dans la vie, il faut que dans toutes les sphères de ta vie autour de, dans toutes les sphères, que ce soit ta famille, tes amis, ton travail, tes passe-temps, faut que toutes les sphères de ta vie soient en accordance avec tes valeurs. Mm-hmm. Et ce n'était pas le cas. Là, ben depuis le 1er janvier 2013, je mets de plus en plus de choses sur ma route pour que ça soit en accordance avec mes valeurs puis mon bonheur. Et en fait, lorsque je te parlais de synchronicité, ben qu'est-ce que la brigade a amené beaucoup dans ma vie, c'est un tout nouveau réseau d'amis qui ont les valeurs, des valeurs d'amour et de paix et de bonheur qui sont importantes pour eux. Ben, je pense que ça va avec, justement. Je pense que les gens qui sont pas nécessairement, qui sont pas haineux, mais ceux qui sont moins ouverts, c'est sûr et certain qu'ils doivent s'éloigner. Puis ceux qui sont ouverts doivent s'approcher à toi. Ben, moi, je t'avoue là que dans la vie, j'aime tout le monde. Et puis, il y a une... s'il y a une chanson, mes amis, que vous devriez écouter, qui est ma chanson préférée de toutes les chansons, c'est une rappeuse française qui s'appelle Kenny Arcana. Puis la chanson, c'est « Tout tourne autour du soleil ». Cette chanson-là est remplie de messages incroyables. Puis dans cette chanson, elle dit « Aime tout ce qui vit et tout ce qui vit te le rendra ». Je crois et je vis ma vie sous cette maxime-là. Mm-hmm. Et je te dirais que même toutes les amies que j'avais avant la brigade, je les ai encore tous. Okay. C'est tous du monde que j'adore. C'est du monde que peut-être que je vois un peu moins, mais que je suis super à l'aise de passer du temps avec eux, même si eux sont pas super motivés dans la brigade. Mm-hmm. Mais en plus de ça, j'ai rajouté un immense réseau de gens qui veulent eux aussi changer les choses à leur façon. Il y a 3 semaines, en fait, parce que je fais aussi plus que juste la brigade, je suis aussi impliqué comme bénévole dans plusieurs organismes. On m'a invité à Québec il y a 2 semaines à l'Assemblée nationale. Tu t'en allais où est-ce que j'allais? On dirait que tu lis ma feuille. Vas-y. Vas-y, donc, continue, je te laisse aller. en fait, c'est ça. J'ai été... ma candidature a été donnée par un des organismes pour lequel je faisais du bénévolat à Saint-Hyacinthe. Je suis même pas sûr exactement c'est lequel. Je crois que c'est les grands frères et grandes sœurs de Saint-Hyacinthe. Mais t'en fais beaucoup, là. C'est dur de savoir lequel. Exactement. Puis là, en fait, ils ont retenu ma candidature et j'ai reçu le prix dans la Montérégie, le plus grand hommage jeune bénévolat Québec à l'Assemblée nationale. J'ai rencontré là un 32 bénévoles d'exception qui font des choses incroyables dans le Québec. Mm-hmm. Encore là, je me suis fait plein d'amis. Là, il y a des gens qui aimeraient qu'on descende à Baie-Comeau faire des câlins, en Gaspésie, à Mont-Laurier, dans le coin de Val-d'Or. Donc là, je pourrais ne faire que des câlins dans la vie, mais c'est sûr que je peux pas, parce que notre monde actuellement est pas basé sur l'amour, mais est basé sur l'argent. C'est ce que j'allais dire. On n'est pas, c'est pas payant. Mais écoute, c'est payant autrement. C'est payant autrement, mais c'est pas payant. Un jour, on comprend que, puis plus tôt on comprend ça dans notre vie, plus notre vie va être merveilleuse. Ouais. Le vrai portefeuille, il est pas dans ses poches. Le vrai portefeuille est dans son cœur. Elle est là, la vraie fortune. Puis quand tu décides d'être millionnaire dans ton cœur, c'est la meilleure chose que tu peux pas faire pour ta vie. Ta vie va être beaucoup plus sweet, beaucoup plus douce, beaucoup moins lourde. Puis pour revenir un peu sur l'Assemblée, aller là-bas en costume de léopard avec le chandail câlin. Oui, il faut mentionner. Faire des câlins aux députés, faire des câlins aux ministres. Ça a fait un beau buzz cette journée-là sur l'amour inconditionnel dans cette building-là qui est plus, je te dirais. Qui a un décorum assez rigide. C'est ça. Mais c'est ça qu'il faut mentionner aux auditeurs en terminant, c'est que tu t'es présenté à l'Assemblée nationale, pas une, mais deux fois, parce que tu avais déjà été invité par ta députée à Saint-Hyacinthe. Exactement. Et tu t'es présenté les deux fois en costume de léopard et ton t-shirt vert de câlin gratuit. Puis, t'en as donné aux députés aussi, aux ministres. Bien sûr, aux ministres. La première, là, dans le fond, c'est M. François Blais qui nous remettait nos prix. Aucun lien de parenté. Donc j'ai donné un câlin, mais le 28 janvier 2015, je crois, lorsque j'avais été invité à l'Assemblée nationale, j'avais fait des câlins à 5 de nos ministres, dont François Blais aussi. ça avait créé un immense buzz. Il y a Paul Oud qui m'avait appelé pour m'interviewer au 98.5 la journée même, pour me parler un peu de ce que j'avais fait là-bas. Okay. Écoute, je dirais que c'est incroyable comment de positif dans ma vie la brigade a amené, puis aussi j'ai décidé de commencer des études en communication relations humaines pour devenir un meilleur communicateur. J'ai mis les études de côté parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les études en communication m'apprenaient pas tant à devenir un meilleur communicateur, mais m'apprenaient plus la théorie de la communication. Oui. Mais malgré tout, à l'université, la synchronicité des choses fait bien la vie. Dans un de mes cours, j'ai rencontré une femme incroyable, la femme de ma vie, qui est enceinte actuellement d'un enfant. Je vais être père dans un mois. Wow. J'adore cette femme-là. C'est vraiment tout pour moi. Puis, dans le fond, ma mission de vie m'a amené là en tant que telle. Je ne l'aurais pas rencontrée. Je ne serais pas à l'université. J'aurais pas décidé de dédier ma vie à l'appel bonheur et l'amour sur Terre. Olivier Blais, c'est tout le temps qu'on a. On est en train de dépasser dans l'émission si ça continue. Je veux te remercier, puis je te fais un câlin de Québec. Et puis, Moi, la prochaine fois là, qu'on va faire des câlins à Québec, je vais t'envoyer un message sur Facebook, puis je vais t'inviter. Oui, ce sera le fun. Je vais sortir de ma zone de confort. Et j'ai avec moi, j'ai Roxane Champagne-Villeneuve qui a 21 défis pour ses 21 ans, des actions pour la société, et puis elle dit qu'elle embarque elle aussi. Oui, nice. C'est certain. Donc quand tu arrives à Québec... Je t'emmène un chandail câlin, là, puis on va aller faire des câlins ensemble. J'en veux un rouge. Aussi. Olivier Blais, merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on a. Merci à vous. À une prochaine, puis on va y aller, c'est sûr et certain, je vais représenter les différents. Juste un petit message rapidement, vite pour les radio-auditeurs, là. L'amour est la solution. Ayez pas peur de vous aimer, puis plus vous allez vous aimer, plus ça va être facile pour vous d'aimer les gens autour de vous. Bon message, merci beaucoup. À une prochaine. Bye.